Cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر استحباب لزوم المدارة وترك المداهنة مع الناس. Ce chapitre il est lié au chapitre suivant. تقدم معنا dans le درس précédent un باب مفيد sur استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم. Et faire des efforts pour être aimé auprès des autres. Et tout ça, bien sûr, sans faire de péché. Et al-mudara ou al-mudahana, c'est lié à hada. Et le fait de faire certaines choses pour ne pas repousser les autres. Au début du livre, on avait lu ensemble Kalam ibn al-Qayyim rahimahullah et al-mudara ou al-mudahana. Limada liyanna Al-Imam al-Hibban, rahimahullah, dans l'introduction, il en a parlé. Et on avait cité la parole de Al-Imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Kitab al-Ruh. On peut la répéter. Huna qala wal farqu bayna al-mudara wal mudahana an al-mudara at-talattuf bil insan li tastakhrij minhu al-haq aw tarudduhu 'an al-batil. Ça, c'est le mudara. Aïe, at-talattuf bil insan, être doux, être patient avec les autres. Pourquoi? Li tastakhrija minhu al-haq. Aïe, pour l'emmener, lui faciliter à accepter la vérité, ou tarudduhu 'anil batil, ou pour essayer de l'écarter d'un mal, d'un égarement, d'une bid'a, de la mécréance, etc. Ça, c'est al-mudara. Et ça, c'est mashrou', c'est permis. Bel, c'est un bon comportement. Falihada, al-ulama, il cite al-mudara dans Kutub al-adab, dans les livres concernant le comportement. Al-mudahana, Ibn Qayyim qala, at-talattuf bih. Kadalik, être doux envers une personne quelconque, li tuqirrahu ala batilih, wa tatrukahu ala hawah. Al-mudahana, c'est être doux envers une personne, mais pas pour attirer cette personne vers le haq, ou pour repousser, essayer de repousser cette personne min batilin, d'une erreur, d'un péché, d'une innovation, etc. Là, son qasd, c'est quoi? Son objectif, son intention, c'est quoi? C'est al-hawa. Qala, fal-mudara li ahli l'iman, ou al-mudahana li ahli nifa. Donc, al-mudara, ce comportement, c'est un comportement parmi les comportements des croyants, Ahlul Iman. Amma al-mudahana, c'est un comportement parmi les comportements de Ahlul Nifaq, les hypocrites. Donc, avec hada al-tafsil al-mukhtasar de cet imam, on a compris, walillahi alhamd, le sens de al-mudara et le sens de al-mudahana et la différence. Donc, huna qala dhikru. On revient au chapitre numéro 9. Dhikru istihbab luzum al-mudara. Donc c'est recommandé d'avoir ce comportement al-mudara wa tark al-mudahana. Par contre, on doit s'écarter de al-mudahana ma'a an-nas. Qala rahimahullah. Akhbarana Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutaybah al-Lakhmi bi Asqalan wa Umar ibn Sa'id ibn Sinan al-Ta'i bi Manbij. Na'am. بمنبج سي ان اندرو قال اي لي دو رابورتور محمد وعمر حدثنا المسيب او المسيب ابن واضح قال حدثنا يوسف ابن اصوات قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقه. Donc, Ibn Hibban, il a fait cette précision. Ce hadith, il a été rapporté simplement de cette chaîne de transmission par ce rapporteur. المسيب ابن وضاح. Et ce rapporteur, il est dhaif. Donc ce hadith, il est faible. L'imam al-Albani, rahimahullah, il a traité ce hadith dans son livre As-Silsilatu al-Dha'ifa. فعلى كل حال هذا الحديث إلى ضعيف مدارات الناس صدقة لكن سيأتي معنا d'autres preuves d'autres arguments qui prouvent que المدارة il n'y a aucun doute أنه c'est un bon comportement. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يلزم المدارة مع من دفع إليه من دفع إليه في العشرة من غير مقارفة المداهنة إذ المداراة من المداري صدقة له والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه. Donc on doit faire des efforts pour appliquer ce bon comportement et pour bien comprendre cette mas'ala et comment appliquer ce comportement on doit bien savoir, et on sait tous, walillahi alhamd, on est différent. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes capacités à accepter certaines choses, à délaisser certaines choses, à faire d'autres choses. Al-Iman, yazidu wa yanqus wa yanqus wa al-mu'minun yatafawatun fil iman. On n'est pas tous au même niveau fil iman. Donc, si on a compris hada, fala shakanna. أحيانا بل à notre époque كثيرا souvent tu auras affaire tu côtoieras des gens qui ont des faiblesses et كذلك des gens ils te côtoieront et أنت tu as des faiblesses on a tous des faiblesses فأبليكي مثل هذا الخلق الطيب c'est من المهم c'est très très profitable أما المداهنة هي fermer les yeux et ne pas conseiller et ne pas dire telle chose c'est haram telle chose c'est wajib faire des concessions concernant son din فهذا c'est من الضعف c'est haram enfin, notre sujet c'est bien sûr al-mudara ce comportement et Ibn Hibban rahimahullah il a détaillé فنقرأ قال والفصل بين المدارات والمداهنة هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات. Donc patienter, être sage. لكن كذلك faciliter à son frère, s'entraider avec son frère. لكن sans faire du haram. أما faire une bid'a avec un autre qui fait une bid'a pour pas le froisser. Ou faire un haram avec les autres parce qu'ils font du haram pour ne pas les froisser. Comme ils font Ahlul Bid'a'i wa Dhalal. Ahlul Bid'a'i wa Dhalal, ils ont un principe, c'est At-Tajmi'a, se rassembler. Najtami' fi mattafaqna alayh. Ça, c'est كثير من Ahlul Bid'a'i. هذه المقولة اشتهرت أنها c'est un des principes de Al-Ikhwan. المسلمون الضلال لكن كثير من أهل البدع sont على هذا ils sont على المداهنة ils se rassemblent ou ils appellent au rassemblement لكن avec هذه المداهنة sans réprimander l'autre sans enlever le munkar فلهذا ils ont fait beaucoup de concessions حتى انحرفوا وضاعوا ils se sont égarés أما المؤمن الصالح السني celui qui veut le haq لا شك أنه il fait des efforts pour s'entraider avec ses frères. Il patiente. Lakin, comme a dit Ibn Hibban, rahimahullah, min ghayri thalmin fi din, min jihatin min al-jihat. Falihada, on n'a pas le droit de rendre halal une chose que Allah il l'a haram. Pour ne pas froisser les autres. Si on dit que c'est haram, ils vont nous délaisser. Hada la yajou, c'est haram, c'est haram. Lakin, il y a des façons de le dire. Il y a des moyens de montrer. Avec Al-Hikmah, tu peux faire accepter une chose à une personne sans le froisser, sans le blesser. Enfin, c'est ça Al-Qasdo, c'est ça l'objectif de ce chapitre, et pour qu'on puisse mettre en application هذا Al-Adab Al-Tayyib. ثم قال فمتى ما تخلق المرء بخلق شانه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة لا المداراة. فالعاقل يجتنب المداهنة. دونك العاقل personne sensée qui veut الحق qui veut faire des efforts pour avancer dans son دين qui veut le bien pour les autres يحذر من هذا. Attention de ne pas te faire du mal pour être une cause pour guider les autres. هذا لا. Là, tu dois te préserver, préserver ton دين. Et si tu peux être une porte de bien pour les autres, falhamdulillah, lakin sans faire de concession à ton دين. Sur ton دين plutôt. Faire du mal, te faire du mal, faire des péchés. بعض الناس مثلا, ils assistent à des assises de haram ou de bid'a. بل بعضهم de shirk et de khurafat. Et quand tu leur dis que هذا c'est haram, et tu cites des adillah min kitabillah ou min sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, فبعضهم qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent لكن c'est pour pas les repousser. هؤلاء ils n'ont pas compris هذا الباب. لأن celui qui guide c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il met de la baraka dans atta'a, dans l'obéissance. Anta si tu es une cause de bien, tu dois être une cause de bien comme Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a tous ordonné de lui obéir. Il nous a tous interdit de lui désobéir. Enfin, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour attirer quelqu'un à l'obéissance, c'est pas min al-hikma. Ben, c'est min al-inhiraf, c'est de l'égarement. Enfin, n'ihdhar min hada. C'est pour ça qu'on répète, on a ces bons comportements. On ne doit pas les baser sur nos sentiments. On ne doit pas froisser les autres. On doit. Là, bien sûr qu'on doit faire des efforts pour ne pas blesser. Khasatan, si c'est un croyant, lakin, en se basant sur notre din, en se basant sur des textes. Ama celui qui délaisse les textes, il va avancer avec les sentiments, il va regarder que les autres, et il va s'autoriser certaines choses qui contredisent la voix du prophète, alayhi salat wa salam. ثم قال رحمه الله فالعاقل يجتنب المداهنة لأن عاقبتها تصير إلى قل ويلزم المداراة إلى قل إلى ذل. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى يتلفغ أخي الكريم avec l'obéissance, avec le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. أما désobéir à الله سبحانه وتعالى c'est une cause de ذل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. Celui qui contredit la voix du prophète عليه الصلاة والسلام, il s'expose à être rabaissé, humilié. Et anta akhil karim, et ça c'est un point très très important, anaka ne te met pas une responsabilité que personne ne t'a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala qala innaka la tahdi man ahbabt. Wallah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Amma désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour vouloir guider un autre, هذا c'est pas min al-hikma. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. لكن بعض الناس يسامبوز دي شوز كو الله سبحانه وتعالى il ne leur a pas imposé et il s'autorise à faire des choses pour que un tel il connaisse la vérité, pour que un tel il accepte. فهذا لا, ça revient pas à nous. نحن ندي أسباب, نحن نسي de faire des causes, de montrer. Et cette façon de montrer c'est du دين. On doit montrer en se basant sur le Coran et Sunna. Celui qui accepte, alhamdulillah. Celui qui n'accepte pas, فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ. Tu ne guides pas ce que tu aimes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et parmi les causes pour que ta da'wa, pour que ton prêche, ton conseil, il soit accepté, c'est que tu sois sincère. Et كذلك, c'est que tu obéisses au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Amma, en faisant des innovations, en faisant des péchés, en faisant des concessions, en délaissant certaines choses de ton din, c'est pas une solution. قال رحمه الله لأن عاقبتها تصير إلى قل ويلزم المداراة لأنها تدعو إلى صلاح أحواله ومن لم يدار الناس ملوه. ثم ابن حبان رحمه الله إلى ستي هذا الكلام الطيب أن المداراة لا بد منها. Al-mudara, et de prendre en considération la situation de celui avec qui tu parles. Khas satan si tu veux faire at-da'wah. Encore plus à notre époque. Ibn Hibban, rahimahullah, قال, وَمَنْ لَمْ يُدَارِي, celui qui n'applique pas al-mudara, c'est-à-dire faire parvenir une vérité, lakin avec un moyen, tu fais tout pour ne pas blesser, repousser ce musulman. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. يَسِّرُوا, ça vient du mot yusr, ay, soyez une cause pour faciliter aux autres. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. Le mot assiru, ça vient du mot usr. Qala azawajal, innama al-usri yusra. Donc nous, on doit être une cause pour faciliter aux autres. Pas une cause pour rendre difficiles les choses. Kadalik al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, bashiru, wala tunaffiru. On doit faire attention de ne pas être kadalik une cause pour repousser les autres. Famathalan, on peut citer un exemple. Wahid, ça peut être un de tes proches, ça peut être au majid, il fait une bid'ah. Al-bid'a semina al-dhalal. On est tous d'accord. Lakin, il y a une façon de lui montrer que semina al-dhalal. Ba'd al-nas, ils n'ont aucun tact. Ils se précipitent et ils ont une réaction directement. Il y a un fossé entre lui et son interlocuteur. Ce n'est pas une solution. L'imam d'Ali Anna, le but, c'est que ce musulman, il arrête de faire cette bid'a. Ba'd al-ikhwa, maintenant, ils se précipitent et disent ah, un tel, pourquoi tu fais ça? C'est une bid'a, délaisse. Un tas, tu lui as dit c'est une bid'a. Un autre, il lui dit c'est une sunna. Enfin, si tu lui montres, maintenant tu lui dis, Akhil Karim, tu as une bonne intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite de lui obéir, etc. Thumma, tu lui montres, Anna, cette chose qu'il fait, elle n'est pas légiférée. Et si ce n'est pas légiféré, il n'a pas de récompense. Thumma, tu lui montres, Anna, à la place de cette chose, maintenant à la place de ce dhikr, innover, cette bid'a qu'il fait. Tu lui montres que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que telle chose, il faut la faire de telle façon. Faut moi, tu lui cites la récompense. Tout ça, il va sentir que tu veux son bien. Faut moi, tu conclues, Anna, cette chose, c'est une bid'a. Akhil Karim, al-wajib alayna, c'est de suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khassatan, idha wuffiqa hadha al-akh, et il parle sagement. Et ce frère, il sent qu'il veut son bien. Falhamdulillah, yakun khayr. Mais encore plus avec nos proches. Elle va se précipiter et vouloir imposer directement les choses là. Pourquoi là, on est différent. T'as cette chose que tu as comprise, tu as acceptée. Il n'a jamais eu les arguments sous les yeux. Peut-être qu'il a grandi avec cette chose. Peut-être qu'il a vu ses parents faire cette chose. T'as, tu viens et sans lui montrer, et khasatan, si c'est fait avec dureté, ça peut être une cause. Il s'écarte. Notre exemple qu'on a donné, le cas de cette personne qui a prêché avec douceur, qui a montré avec hikmah, est-ce qu'il a mis en garde contre la bid'a? Non, il a mis en garde contre la bid'a. Est-ce qu'il a montré la vérité? Il a montré la vérité. Lakin, il faut plusieurs choses. Awalan, il faut du ilm. Il y en a pour lui dire que c'est une bid'a, il faut lui montrer. Qala Allah, qala Rasul. Amma si anta akhil karim, tu lui dis c'est une bid'a, un autre il va lui dire c'est une sunna. Pourquoi il prendrait ta parole, il prendrait pas la parole d'un autre? Donc si on a du ilm, on fait des efforts fil ilm. Et là je conseille mes frères, ahyanan, tu vois une chose, khasatan avec un de tes proches, tu le vois souvent, avant de se précipiter, prépare qu'est-ce que tu vas dire. Surtout nous, on n'a pas assez de ilm pour citer les versets du Coran directement, les hadiths, les paroles des savants. Fafiyadahal, ne te précipite pas. Tu l'as vu maintenant faire une chose, tu sais que c'est une bid'a. Prépare. Reviens aux sources. Maintenant, tu prépares un hadith, tu prépares un verset du Coran, tu prépares la parole d'un savant. Khassatan, si tu as la parole d'un grand imam que lui-même il respecte. Maintenant, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam al-Bukhari. Et tu lui montres et tu verras. Tu verras, أنه سيحصل خير عظيم. قال ابن حبان رحمه الله وأخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي عون الرياني قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا ابن المبارك الإمام عبد الله رحمه الله عن الحسن ابن عمرو عن منذر الثوري عن ابن الحنفية قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. Ce athar, il est important. لماذا؟ لأن هنا هي اون بريسيزيون اسونسييل في هذا الباب كون با انكور فيت. لماذا؟ لأن اون علي لافير اون في لانتونسيون دو لافير ابري لا ليكتور دو سو اثر. سيت بريسيزيون سي كوا؟ سي قوله من لا يجد من معاشرته بدا. المعاشره سي لو فيت دو فريكونتي. دونك المداره avec certaines personnes tu en auras pas forcément besoin. واحد que tu ne rencontres presque jamais, il est connu, il n'écoute pas le haq, il fait beaucoup de mal, fais des efforts, écarte-toi de lui. Alhamdulillah, tu seras à la khair. Tu peux conseiller, tu conseilles, il n'accepte pas, il fait du mal, il est connu pour son orgueil, il a akhiré. كذلك باب اهل البدع انهم ils ne veulent pas le haq, des groupes égarés, ils font beaucoup de mal. Écarte-toi, préserve ton tine. Surtout ne le fréquente pas, ne te mélange pas. Ils te mettront des ambiguïtés, etc. لكن بعض الناس معاشرتهم لا بد منها. فهذا قولهم من لا يجد من معاشرته بدا. Certaines personnes, tu n'as pas le choix. Même s'ils font des innovations, même s'ils font des péchés, même s'ils ont un mauvais comportement, tu es obligé de les fréquenter. مثلا certains proches. Un frère, une sœur, un parent, un cousin, un oncle, une tante, certains rassemblements de famille, tu n'as pas le choix. كذلك au travail pour certains. كذلك les voisins. Tu ne peux pas, pour la moindre des choses, changer de maison ou d'appartement parce que tel voisin il fait telle chose. Tu ne peux pas. فهؤلاء الذين معاشرتهم لا بد منها. ابن الحنفية رحمه الله ماذا قال؟ قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف. Celui qui n'a pas cette hikma, qui n'emploie pas المعروف, une façon convenable pour montrer, فهذا في الحقيقة il a un problème dans ce point. قال حتى يأتيه الله منه بالفرج, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne une issue ou المخرج. Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. فقط patiente. Et ce qui aide في هذا الباب, c'est que أخي الكريم, ne fais pas les choses pour toi-même. On parle niveau din الآن. Ne fais pas les choses pour toi. Fais دعوة لله. لأن si tu fais pour toi, tu vas t'imposer certaines choses. Si les gens ils acceptent pas, ça va te faire du mal. Toi, tu vas essayer de défendre certains intérêts et ta دعوة elle ne tiendra pas. مثلا, et ça arrive beaucoup, des problèmes fil masajid. Khasatan avec différentes générations, avec certains qui ont certaines connaissances, d'autres qui n'ont pas de connaissances. Fi hadha al-bab, si on se précipite, khasatan si alhamdulillah da'wat ahl as-sunnah est implantée dans ce masjid, tu trouveras certaines personnes qui n'ont pas de ilm. Tu trouveras certaines personnes qui ont une certaine éducation, non, ils ont l'habitude de faire certaines bid'ah. Certaines choses liées aux coutumes, etc. Enfin, vu que haoula, ils sont dans ton masjid, et anta, tu dois faire salat au masjid, anta, tu en profites pour être un bab de khayr. Et t'essayes de faire un da'wah, kama amara Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik kama amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin en employant hada, billati hiya ahsan. Un jour, une nasiha. Avec le bon comportement, ça t'aidera. Thomas, quand ils auront confiance en toi, Anna, tu veux leur bien, tu verras que كثير من الناس, ils accepteront الحق. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل أن يداري زمان مدارات الرجل السابح في الماء الجاري. مثال عظيم. هذا الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله. تعلمون أنه un imam, la génération juste après l'imam al-Bukhari, la génération de l'imam al-Khuzaymah, etc. Il a un célèbre livre al-Sahih, il a un célèbre livre al-Mujrouhin wa al-Du'afa, c'est min a'immat al-Hadith, rahmatullah alayh, wuffiqa jiddan dans ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité d'écrire ce livre. فتأمل مثل هذا الكلام. الواجب على العاقل أن يداري الزمان مدارات الرجل السابح في الماء الجاري. Tu dois patienter et dans certains cas t'adapter, on répète, sans faire de concession dans le din. Une bid'a, c'est une bid'a. On n'a pas le droit de dire là, c'est une sunna, il ne faut pas diviser là, c'est une bid'a, c'est une bid'a. Lakin, on le répète, la façon, comment ? Est-ce que ce frère, tu peux, maintenant, lui dire certaines choses petit à petit, hatta il accepte ? On revient à l'exemple. Mudarat al-rajul al-sabih fil ma al-jari. Il a cité cet exemple, rahimahullah. Anna, tu auras forcément besoin de ce comportement al-mudara comme al-rajul al-sabih. Al-sabih, ça vient de al-sibaha. Aïe, c'est le fait de nager. Al-sabih, c'est cet homme qui nage. Il est obligé de s'adapter au courant de l'eau. On répète. مدارات الرجل السابح في الماء الجاري. أحيانا tu nages, خاصة dans une eau qu'il y a du courant, et tu ne peux pas nager contre le courant. Alors que tu veux, Obama, cet endroit que tu veux atteindre, il est très très proche. Lakin, il y a beaucoup de courant, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais في هذا الحال؟ كما قال ابن حبان في هذا الحال لابد من مدارة الماء. Tu suis le courant et tu patientes, même si tu fais un détour. Tu patientes et tu arriveras au point que tu veux. Amma, celui qui s'entête et veut forcer les choses, il se précipite, peut-être qu'il se noiera, ou il se fatiguera, ou il se blessera, et il n'arrivera pas à son objectif. Nous, on doit avoir un objectif, ya ikhwan, c'est de propager cette da'wah. On vit à une époque, khasatan al-awam. Tu trouves, Wardana, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont vides d'in, min al-awam. Ils ne connaissent même pas ma'ana la ilaha illallah. Ils ne connaissent même pas la différence entre une sunna et une bid'a. Kathir min al-nas, ils ont quoi comme principe? Anna, j'ai envie de faire un bien, je le fais. Matalan, un dhikr, une parole, une salat, une chose qui lui traverse l'esprit, il l'a fait sans revenir au texte. Anna, on vit à cette époque, ya ikhwan. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, قال, هذا العصر. Cette époque qu'on vit, c'est عصر الرفق. On a déjà lu son kalam dans plusieurs durus. Alors, cette époque dans laquelle on vit, c'est une époque où on doit employer la douceur. وإلا, si on n'emploie pas cette douceur, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits. Ahlul Bida, ils vont utiliser هذا. لكن من باب المكر. Dans les années, il y a quelques années, خاصة les années 80, 90, Jama'at al-Tabligh, pourquoi beaucoup de gens ils les ont suivis? Limada li'annahum, ils avaient ce comportement, même si eux, c'est fondé sur le bid'a. Kathir minhum, quand tu les suis pas, ils changent de comportement, ils sont vulgaires, ils sont violents, hada ma'rouf. Lakin, ils ont utilisé hada pour propager leur bid'a. Kathir minhannas, jusqu'à aujourd'hui, dit Jama'at al-Tabligh, ils ont un bon comportement. Et comme minhannas, ils se sont écartés de sunna, de salviyya, à cause du mauvais comportement de certains. Pourquoi les anna ahyanan, c'est comme si on défendait notre cause. Ahyanan, c'est comme si on défendait notre cause. Wa illa, si on patiente l'illah, même s'il te parle mal, même si wahad il agit mal, ça soit au masjid ou chez toi ou autre, si tu as comme principe, comme mabda, nusrat din illahi azza wa jal, tu patienteras beaucoup plus. Qala rahimahullah, wa man dhahaba ila ishrati nas min haythuhu, kaddara ala nafsihi aisha. وَلَمْ تَصْفُ لَهُ مَوَدَّتُهُمْ. Mais celui qui veut faire les choses comme il veut lui, comme il veut lui, et il ne prend pas en considération la situation des autres, là, il se fera beaucoup de mal. Là, il fera du mal aux autres. قال لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما. Ça, c'est une faïda. Les gens, pour qu'ils acceptent de toi, لابد من مساعدتهم, tu dois les aider. On répète encore plus à notre époque, à l'époque d'Ibn Hibban, كما تقدم, c'est les années, il est mort en 354, donc c'est le 4e siècle de l'Hégire. C'est juste après la parole juste après la période des grands imams, l'imam Ahmed, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, etc. C'est cette période. Mais هذا, il a cité ce point important. Que dire à notre époque? Que dire à notre époque avec هذا الضعف, les kuffars d'un côté, les innovateurs d'un autre côté, des pressions niveau travail, des pressions niveau famille, des pressions niveau enfant. Tu trouves أحيانا un frère, il est في ضعف, ou une sœur, des faiblesses. On n'a pas le droit de venir sans hikma et la cheville. Ça, c'est pas min da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, abadan. Abadan, da'wat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est fondée sur le rifq, et on le répète, les kulli maqamin maqal, Mais certains, préserve ton dîne, écarte-toi avec certains, il faut de la fermeté. Là, on vit à une époque où il mélange. Comment faire avancer cette da'wa? Comment propager l'islam? Même auprès des kuffars, des non-croyants. Comment? Hey, tu dois prendre en considération leur situation. Lakin, قال إلا أن يكون ما أثمن أما لبشي لا لبشي لا قال فإذا كانت حالة معصية فلا السمع ولا الطاعة أما si ça te pousse أو il essaie de t'emmener à faire une innovation ou un péché في هذا الحال لا السمع ولا الطاعة لا في هذا الحال توبي الله سبحانه وتعالى seul et tu lui montres que c'est une معصية si il te repousse ou il s'écarte, c'est lui le responsable. Il y en a autre chose, on ne pourra pas rassembler tout le monde. La guider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Mais nous, on est des causes. Mais bien sûr qu'il y en a qui n'acceptent pas. Bien sûr que certains sont mauvais. Bien sûr que certains rejettent la vérité. Mais nous, on est des causes. Certains, ils sont prêts à accepter cette vérité. Mais on revient à sa parole. Vous avez remarqué que l'imam al-Hibban, il n'a pas cité l'ilm. Alors que l'ilm, c'est la base de da'wa. Kathirun minan nas, au départ, ils n'acceptent pas de da'wa par rapport au ilm. Ils n'ont pas encore les capacités, ils ne comprennent pas. Qala Allah, qala Rasul, telle règle, le consensus de l'unanimité des savants, tel shir, il a dit. Au début, là, ils fahmoun hada. Au début, eux, ils sont... Ils t'accepteront par rapport au sentiment. Tu es gentil, ils t'acceptent. Pour eux, tu n'es pas gentil, tu es dur, ils te rejettent. Même si tu as le haq. C'est ça. C'est ça leur base. Donc, nous, pour faire parvenir, pour faire accepter cette vérité, on emploie les bons comportements. Le bon comportement, ça fait partie de notre deal. Donc, on emploie le bon comportement sans faire de concessions. C'est exactement le thème de ce chapitre. Le zoom, al-mudara. وترك المداهنة قال والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله. C'est ce qu'on a cité. Alors, on est différent. On est différent et certains ils ont beaucoup plus de mal à délaisser une chose qu'une autre. أنت quand tu fais de da'wa, même quand tu fais pas de da'wa, le fait bien sûr, tu n'es pas seul, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, Robama, tu as des parents, tu as des voisins, tu travailles, tu vas au masjid. Donc, tu es en contact avec des gens. Si tu comprends هذا, أن البشر قد ركب فيهم أهواء. أولا, on a tous des manquements, on a tous des faiblesses. والنفس أمارة بالسوء. Et notre âme, elle nous appelle au mal. Et الشيطان, كذلك يبوس. كذلك certaines passions. Si tu as compris هذا, كذلك طبائع متباينة. طبائع, on a des natures différentes. هذا il est plus nerveux, هذا il est plus calme, هذا il est plus gentil, هذا il est plus patient. قال فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه. كذلك certains ils ont نعم ما جبلت عليه c'est الجبلة, c'est ta nature. Et c'est très très difficile à changer sa nature. Maintenant un comportement, maintenant certains ils sont nerveux. C'est difficile à changer. Vu que pour nous, on se trouve des excuses. Ahyanan, wahed, il te fait une remarque et tu dis, Ahi, patiente avec moi, moi je suis comme ça, j'ai du mal à... Alhamdulillah, fais des efforts, mais n'oublie pas que les autres, kadalik, ils ont besoin de patience et kadalik, les autres, ils ont du mal à délaisser certaines choses, comme toi, tu as du mal à les délaisser. Falihada qala, fa kama yashuk alayk. Et comme tu as, kadalik, tu as des difficultés à délaisser certaines choses, fa kadalik yashuk ala ghayrik. Kadalik, c'est le cas pour ton frère. Hada, c'est un point important. N'oublie pas de trouver des excuses pour tes frères. Khassatan, tes frères qui sont à la sunna. Khassatan, tes frères qui font des efforts fil ilm. Tes frères qui font des efforts dans l'adoration. N'oublie pas, non, c'est des êtres humains. Non, ils auront des manquements et toi, kadalik, t'as des manquements. Qala, fa kadalika yashuq ala ghayrik mujanabatu mithlihi, fa laysa ila safwi widadihim sabil illa bi mu'asharatihim min haythuhum. Vu que les êtres humains, on est différents, on a tous des faiblesses, on a des manquements, etc. Enfin, tu n'as pas le choix. Tu dois te mélanger avec certains. Tu n'as pas le choix, maintenant les proches. Tu ne vas pas vivre tout seul dans un endroit retranché, là. Tu as des voisins, tu vas au masjid, tu as des proches. Enfin, tu dois t'adapter. Sans le mudahana, Amma, une personne, on le répète, tu n'as aucun lien ma'ah, tu n'es pas obligé de rester avec lui, il fait du mal, il n'écoute pas. Falhamdulillah, préserve ton din fi hadha al-hal en t'écartant. Qal wal irda an mukhalafatihim fil awqat. Hadha la budda min. Hadha la budda min. Ça veut dire quoi, qul wal irda an mukhalafatihim fil awqat? C'est que tu ne dois pas tout prendre en compte. Wallahi, il y en a celui qui prend tout en compte. Il divorcera. Robama, il aura des problèmes avec ses enfants. Robama, il aura des problèmes avec ses frères et sœurs. Au masjid, avec ses voisins, au travail. Il se fera beaucoup de mal. Qala Allah Azza wa Jal, khudil afwa, wa'mur bil urf, wa'arid anil jahilin. Amal ce verset. Khudil afwa, l'afwa, l'afwa, c'est le pardon. Et c'est un shahid de ce verset. C'est pour ça qu'on l'a cité là. Anna wahad, il te dira une mauvaise parole. Wahad, il aura un mauvais comportement. Wahad, il n'est pas venu à un rendez-vous. Wahad, il a eu tel problème. Wahad, il a parlé sur toi. Wahad, il ne t'a pas téléphoné. Wahad, wahad. Si tu prends en compte tout le monde sur tout, tu resteras tout seul. Et hadha la shak annahu, c'est pas matloub. Wal irda an mukhalafatihim fil awqat. Kadhalik, un autre point important. An al ba'd. Ça arrive maintenant avec des proches. Alors, ils vont chez les sorciers. Ils vont chez les sorciers. Bardohom, ils visitent Al-Awliya, ils leur demandent Bindounillah. Mouim, ils font Bard Shirkiyat ou Al-Kufriyat. Thumma, kadalik, à la maison, ils parlent sur les gens. Thumma, ils mentent. Thumma, peut-être avec toi, ils ont un mauvais comportement. Fihad al-Hal, il doit y avoir des priorités. Ah, mais celui qui veut tout régler. Et il commence par les choses moins importantes, ou plutôt dans notre cas, moins graves. Il se fera du mal. لماذا لأن دعوة الرسل والمرسلين. Et inshallah, ça sera le thème de notre cours au suivant sur le tawhid. La base, c'est le tawhid. Mais si ce proche, tu lui dis arrête de mentir, na'am, il arrête de mentir. Lakin, s'il fait du shirk, ça restera un mushrik. Donc on doit commencer par l'asl. On doit commencer par l'essentiel. On doit apprendre notre din pour avoir ses principes, ses comportements et ses priorités. Wa illa bil jahl. En perdant son temps, faqat qil wa qal, internet, un tel il a dit, un tel il a fait. Là, ne crois pas que tu avanceras. Ebeden, celui qui avance dans son din, c'est celui qui s'accroche à la sunna du prophète alayhi salam salam, même s'il est tout seul. Ama celui qui perd son temps, même si il est accompagné de semblables à lui, des gens comme lui, il se fait du mal et il fera du mal aux autres. Al-jid wal ijtihad, c'est matloub, faire des efforts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Thumma, il a rapporté un athar an al-Hassan. Qala, il a cité l'isnad. Thumma qala al-Hassan yaqul yabn Adam ishab al-nas bi ayn khuluq shi'ta yashabuk alayhi. Kalamun jamil. Ça veut dire quoi? Nasiha min al-Hassan. En général, quand l'ulama cite al-Hassan, c'est l'imam al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhi. فالحسن قال يا ابن آدم un conseil pour tout le monde. اصحب الناس. اصحب الناس, ça vient de الصحبة. Il fréquente les gens. بأي خلق شئ. Avec n'importe quel comportement que tu veux, ils se comporteront avec toi avec ce comportement. هنا c'est mauvais, جدًا pour nous. Et si on a de la douceur, on a de la hikma, de la sagesse, on ne se précipite pas. On a des principes solides, aucune concession niveau aqida, niveau manhaj, niveau bid'a, il a akhir al haqq c'est le haqq. Lakin on a cette walillahi alhamd, ce comportement pour aider les autres. Tu verras que les gens, tu trouveras nahum, ils t'écouteront. Même s'ils acceptent pas au départ, ils ne te rejetteront pas. Khassatan si c'est un musulman, il est ala al fitra. Lian al musulman ala al fitra, il aime le bon comportement. Ça arrive hada, vous l'avez déjà vu ahyanan, tu vois un frère faire nasiha à un autre avec un bon comportement, il a akhiri. Tu sens que l'autre, il n'accepte pas, il n'est pas d'accord. Là, qu'il ne le rejette pas. Il lui dit, barakallahu fik, je vais voir, etc. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tu as montré. Et là, ce bon comportement, il va réfléchir, hein, dans le muslim. Et il te demandera plus de détails. Et antaha kadam ma'ah, jusqu'à ce qu'il accepte. Nahnu ahyanan, ce qui nous fait du mal, c'est que, bien sûr, c'est le manque de patience, le manque de science. Lakin kadalik, c'est la facilité. N'oublie pas que certains, ils ont patienté, ma'ak. Awalan, tes parents, ils ont patienté, ma'ak. Tes parents, ils n'auraient pas patienté avec toi. Enfin, ils ne t'auraient pas éduqué. Kadhalik, au départ, quand tu es rentré dans la sunna, quand tu as décidé, bi-idhnillah wa bi-fadlillahi azza wa jalla, de faire des efforts dans ton din, certains, ils ont patienté avec toi. Ils ont patienté niveau tenue vestimentaire au départ, ils ont patienté niveau beaucoup de choses. Hatta alhamdulillah, tu as fait des efforts. Anta, n'oublie pas d'où tu viens. Et n'oublie pas que certains, ils sont comme toi, tu étais au départ. Qala rahimahullah, ishab innas bi ayy khuluqin shi'ta yashabuk alay. Naam. Naam, comme tu fais aux autres, on te fera. Tu es respectueux, tu as un bon comportement, tu parles bi'ilm, falhamdulillah, les gens, tu trouveras nahum, imma ils acceptent, et même s'ils n'acceptent pas, ils se comporteront dans mon comportement. Amma crier, perdre ses moyens. Badoum, ils veulent faire da'wah, ben ils font da'wah, et ils s'énervent et ils disent des mots vulgaires. C'est plus une da'wah. C'est du djihl. Qala rahimahullah. Ay Abu Hatim. Man iltamasa rida jami' al-nas. Iltamasa ma la yudrak. Un autre point important, une autre précision. Celui qui veut satisfaire tout le monde, son objectif, il n'arrivera jamais à l'atteindre. C'est quelque chose d'impossible. Comme a dit l'imam Shafi'i rahimahullah et d'autres imams. Rida al-nas ghayatun la tudrak. Hakada qala ba'du al-a'imma wa minhum al-Shafi'i. Rida al-nas ghayatun la tudrak. Satisfaire tout le monde, c'est un objectif impossible. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents. Il a créé des croyants, des kuffars, des gens qui obéissent, des gens qui désobéissent. Donc on ne peut pas être tous pareils et être tous d'accord. Donc tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Qala man iltamasa rida jami' an-nas iltamasa ma la yudrak walakin yaqsid al-aql rida man la yajid min mu'asharatihi buddan. Ça revient à la précision précédente. Vu que tu ne peux pas satisfaire tout le monde, lakin certaines personnes, tu es en contact permanent avec eux, comme tes parents, comme tes enfants, comme ton épouse, comme tes frères, sœurs. Enfin, ha'oula, on répète, alladhina mu'asharatuhum la budda minha, fa fi hadha al-hal qala walakin yaqsid al-aql rida man la yajid min mu'asharatihi buddan. On peut prendre l'exemple d'un voisin. Ça arrive souvent. Kam min an-nas, ils ont des problèmes de voisinage, limadha li'anna au départ. On peut citer un mithal, tu habites dans un endroit, tu as un nouveau voisin. Ce voisin, au départ, tu sens directement annahu, il parle beaucoup, annahu, il a un mauvais comportement, annahu, il veut rentrer dans des choses qui ne le concernent pas. Si tu te le mets à dos directement, il te fera beaucoup de mal. Peut-être que ça te poussera à déménager. Si, vu que c'est une personne, tu n'as pas le choix au départ. Tu n'as pas le choix, c'est ton voisin. Et même si tu veux déménager, l'akhir, il faut du temps, muhim. Si ce voisin, anta, tu appliques al-mudara, billati hiya ahsan, quand il dit certaines choses, tu ne prends pas tout en considération. Quand il dit des choses, ce n'est pas un mensonge, il a khali, tu lui montres que tu n'es pas contre, etc. Tu verras que même s'il fait du mal à certains, anta, il te respectera. L'être humain, il est comme ça, il ne veut pas se mettre tout le monde à dos. Anta, hakda, tu essayes de ce bon comportement, pas parce que tu as peur de lui, là, al-mu'min, il craint Allah azza wa jal. Pas parce que tu espères de lui une chose, là, pour repousser son mal. C'est pour ça que dans plusieurs hadiths, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à certains, il ne donnait pas à d'autres. Le bon comportement encore plus avec certains, la patience encore plus avec certains, l'imana, les anna pour te préserver de son mal. Hakada avec les proches. Et hakada avec ceux dont tu n'as pas le choix autre que de les fréquenter. قال وإن دفعه الوقت لاستحسان أشياء من العادات مما كان يستقبحها واستقبح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما فإن ذلك من المدارة وما أكثر من دار فلم يسلم قال فكيف يجد السلام من لم يداري. En appliquant ce bon comportement qui a des fondements dans les textes du Coran, de la Sunna, Kadalik A'immat Sunna, ils l'ont employé, ils l'ont cité. En employant tout cela, Erobama la taslam, tu ne seras pas à l'abri. Même si tu as un bon comportement, même si tu as de la hikma, tu trouveras toujours un farir, quelqu'un de mauvais, qui Erobama, il dira une parole, il fera une chose. Fait que dire de celui qui ne fait pas d'effort pour appliquer ce bon comportement. Hadala, chacun, même s'il est sur la vérité, أحيانا يفرا دو مال إي سفرا دو مال لماذا؟ أكوز دان مونك دو حكمة، أن مونك دو ساجيس. قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا معاذ ابن سعد الأعور قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث فتعرض رجل من القوم في حديثه قال فغضب وقال ما هذه الطبائع إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريك أني لا أحسن منه شيئا. Cet homme qui a coupé la parole, qui a coupé la parole et qui a énervé son frère. هذا arrive souvent. Ça arrive souvent. فلهذا قال عطاء رحمه الله إني لأسمع الحديث من الرجل. تأملوا le bon comportement et la hikma. عطاء رحمه الله pour réprimander cette personne qui a coupé son frère et qui l'a énervé, قال لأسمع الحديث من الرجل. عطاء بن أبي رباح c'est من أئمة السنة. Un grand imam. قال أحيانا j'entends الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه. J'entends un homme, un frère dire une chose, citer une mas'ala, et ce qu'il dit, je le connais mieux que lui. قال فأوري كأني لا أحسن منه شيئا. Alors que malgré qu'il sait, il maîtrise totalement ce hadith ou ce sujet, lakin il montre à son frère qu'annahu il ne connaît pas. Pourquoi? Pour ne pas vexer son frère. Nahnu ahyanan ça nous arrive, un frère il commence à prendre la parole, il veut dire une chose, enfin l'autre il le coupe, ouais moi aussi j'ai entendu, ouais c'est vrai, j'avais lu ça, il a arrêté. Thumma rubbama ça avec ce frère, il n'a pas eu le temps de finir, shaitan il rentre, l'ostentation. Ta'ammalu haoula le bon comportement, il l'a laissé finir, et qu'annahu il ne connaissait pas cette mas'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah كذلك. On peut citer un autre athar que Ibn Hibban il a pas cité. Qala inna ar-rajul la yuhaddithuni bil hadith qad sami'tuhu ana qabla an talidahu ummuh. Sufyan al-Thawri rahimahullah كذلك min a'immat as-sunna al-kibar min a'immat as-salaf qala an ahyanan annam il lui rapporte un hadith avec la chaîne de transmission haddathana fulan. Sufyan al-Thawri rahimahullah qala ce hadith qu'il cite je l'ai entendu avant même qu'il soit né. Cet homme il était plus jeune que Sufyan al-Thawri et Sufyan al-Thawri rahimahullah qala le hadith qu'il a cité je l'ai entendu avant qu'il soit né. Qala fa yahmiluni husn al-adab an asma' min. Lakin le bon comportement, Sufyan al-Thawri qala le bon comportement il me pousse à écouter. Comme s'il n'avait jamais entendu ce hadith. Ça nous montre quoi? Limada Ibn Hibban, rahimahullah, il a cité ce athar huna. Et nous, ensemble, on vient de rajouter la parole de Sufyan. Pourquoi? Pour prendre en considération ton frère. Wallahi, ahyanan, couper la parole, ça peut faire des dégâts. Il pense que tu ne le respectes pas, il pense que tu ne l'écoutes pas. Donc si tu ne le respectes pas, tu ne l'écoutes pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Le jour où tu vas vouloir le conseiller sur une chose, Obama, il ne prête aucune attention. Amma, on doit avoir هذا الشعور pour notre frère. قال رحمه الله le vers de poésie numéro 204 قال ولقد احسن الذي يقول تجنب صديق السوء واصرم حباله وان لم تجد عنه محيصا فداريه. C'est le résumé de tout ce qu'on a vu. Ce poète ماذا قال تجنب صديق السوء واصرم حباله. Écarte-toi du mauvais compagnon, de la mauvaise fréquentation. وَصْرِمْ حِبَالَهُ coupe les liens. لماذا لأن المسلم il doit s'écarter des mauvaises fréquentations. ثم قال وَإِلْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فَدَارِي. Lakin si tu n'as pas le choix, tu es obligé de le fréquenter. On répète, c'est un voisin, c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un que tu vois tous les jours au masjid, etc. قال فَدَارِي. Dans ce cas-là, applique المدارة. Le thème qu'on vient de traiter ensemble, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. قال وَأَحْبِبْ حَبِيبَ الصِّدْقُ وَاحْذَرْ مِرَاءَهُ تَنَلْ مِنْهُ صَفْوَ الْوُدْ مَا لَمْ تُمَارِي. كذلك, cette bonne fréquentation, cet ami fillah, ce frère fillah que tu aimes, قال وَأَحْبِبْ حَبِيبَ الصِّدْقُ. Tu dois l'aimer, le compagnon véridique, et la akhri qui fait des efforts dans son thé, وَاحْذَرْ مِرَاءَهُ. Lakin préserve cette amitié, cette ukhuwa, préserve-la en délaissant el mira. المراس الجدال la polémique. قال تنال منه صفو الود ما لم تماري. Il t'aimera et cet amour il dure entre toi et lui بإذن الله عز وجل tant que vous délaisserez la polémique. أما la polémique et ça يأتي معنا un باب sur le jidal ou le mira أظن نعم أظن إلا cité إن شاء الله on détaillera هذا هناك. ثم قال أبو حاتم رحمه الله العاقل إذا دفعه الوقت إلى معاشرة من يمزح بصداقته أو صداقة من يثق بأخوته فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته بقي وحيدا لا يجد من يعاشر. Celui qui manque de patience et qui veut que son entourage soit parfait alors que lui-même il a des faiblesses, lui-même il a des manquements. فابن حبان قال رحمه الله فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته. تأملوا قوله زلة. الزلة c'est quoi? الزلة نحن en français on dit quoi? Quelqu'un qui glisse. Et c'est pas volontaire. Il peut faire une erreur, il peut s'être trompé, avoir fait une bid'a, avoir eu un mauvais comportement. لكن زلة. Et personne n'est à l'abri. من الزلل. Contrairement à الكفر, à l'égarement, il a rejoint un groupe égaré. Et là, c'est autre chose. لكن قوله فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته. À cause de cette زلة. Robama, son frère, il a eu un manque de lucidité, la fatigue, il a dit une chose. Ça arrive, matalan, beaucoup à zella avec l'issan. Matalan, toi, avec ton frère, ton ami, ton frère fillah, un jour, ça arrive, hein, souvent, un jour, il est fatigué, il n'est pas lucide, a le travail, les enfants, des problèmes, il a. Zella avec sa langue, il glisse. Si tu le rejettes, farafada. قال بقي وحيدا لا يجد من يعاشر. Si الانسان والعياذ بالله on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de ce mauvais comportement, il rejette à chaque fois que quelqu'un fait une zella, à chaque fois que quelqu'un glisse, il restera tout seul. لماذا لأننا on est tous concernés, on est tous des êtres humains. العصمة l'infaillibilité c'est لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال فريدا لا يجد من يخاض بل يغضي على الأخ الصديق زلته زلاته ولا يناقش الصديق السيء على عثراته لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر مما تلزمه في فروعه. نعم أما النصيحة سي مطلوب لكن بعض الناس ils ont du شر ils sont connus de ne pas accepter فلا rentre pas dans la polémique لأن c'est plus si on parle avec quelqu'un qui n'accepte pas النصيحة et on sait qu'il accepte pas النصيحة فle fait de parler c'est plus une نصيحة لأن il n'accepte pas. Il est connu pour ne pas accepter. Il a, yasha'Allah. Lakin, nous restons sur la parole. Si on parle trop, ça deviendra quoi? Ça deviendra al-jidal, la polémique. On doit préserver notre dîn, on doit préserver notre temps. Et on doit continuer à faire des efforts pour améliorer notre comportement. On est tous concernés. Tadkurun, au début du livre, on avait fait une remarque importante. Ihdhar akhil karim, de ne pas croire que tu n'es pas concerné. Lire le livre et dès qu'un mauvais comportement, tu penses à un tel. C'est vrai, un tel, il a ça. C'est vrai, tel frère, il a ça. C'est vrai, fulana, ils font ça. Là, lis et pense à toi. Tu seras interrogé sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'interrogera pas sur fulan ou un tel. On fait des efforts et on a tous des manquements. Comme à taqaddam, chaque bab, on est concerné. Il faut qu'on se dise les vérités en face. Chaque chapitre, on est concerné. Lakin, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ghafourun rahim, on a une bonne intention, on essaye de faire des efforts pour se corriger, et كذلك on s'entraide fi hada. On peut terminer avec une parole d'Ibn al-Qayyim, qui est liée à ce sujet, rahmatullah alayhi, qu'on avait déjà lu. On avait déjà lu ensemble, nasit, dans quel cours, et on l'avait propagé, walillahi alhamd. Qala, rahimahullah, dans son livre al-Fawa'id, al-arif, la ya'mur al-nas bi-tarki al-dunya. فإنهم لا يقدرون على تركها ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة. ابن القيم رحمه الله قال العارف celui qui a du علم celui qui connaît la voie des salaf celui qui connaît la situation des autres et qui se connaît lui-même لا يأمر الناس بترك الدنيا. Au départ il ne dira pas aux gens de délaisser الدنيا. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Délaisser dunya, se consacrer à son dîn et ne pas penser qu'à dunya. qu'au commerce, qu'au voyage, que il a akhri. Pourquoi? قال فإنهم لا يقدرون على تركها. Ça nous montre quoi? Ça nous montre Ibn Qayyim huna rahimahullah, il nous éduque pour nous montrer que tu dois prendre en considération la situation des autres. Nous, maintenant, on va faire da'wa à nos frères, à nos sœurs, à nos proches, à nos cousins, à nos oncles, à nos tantes. Et maintenant, haoula, ils sont dans le dunya. Ils font beaucoup d'efforts dans le dunya, ils font pas beaucoup d'efforts, pas du tout dans la science, etc. Si du jour au lendemain, on leur dit faut délaisser le dunya, arrêtez de voyager, arrêtez d'acheter des belles voitures, arrêtez d'aller au restaurant, arrêtez de penser qu'à si, arrêtez de travailler madri combien d'heures par jour, là, contentez-vous du minimum. Est-ce qu'ils vont accepter? Ils n'accepteront jamais. Les mains, ils n'accepteront pas. Non, ils peuvent pas. Ils sont pas prêts. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? قال ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على الدنيا. Maintenant, tu sais que ton frère, ta sœur, un ami, il aime les voyages. Tu sais qu'il ne peut pas arrêter les voyages. Conseille-le. Ya akhi al-karim, voyager, c'est pas interdit. Lakin ihdar, ne va pas dans tel pays. Maintenant, bilad al-kufr, il y a beaucoup de char. Ne va pas vers bilad al-kufr pour ce voyage. Maintenant, tu veux voyager? Falhamdulillah, tu voyages et mais n'y a que tu vas faire l'umrah. Ou le hajj. Tu vas te déplacer, c'est un voyage et en même temps c'est une ibad azim. Ou s'il ne peut pas, à cause de certains papiers administrativement, même s'il ne peut pas, ou c'est trop cher. Maintenant dans tel pays musulman, il y a beaucoup de pays musulmans. En même temps tu vas visiter un frère, en même temps, alhamdulillah, tu vas entendre l'adhan, tu vas faire salat. Dans ce cas, alhamdulillah, tu lui as facilité les choses. Du jour au lendemain, arrêter de voyager, c'est trop compliqué. Ça nous montre quoi? Ça nous montre al-hikmah. Thumma qala rahimahullah. Thumma qala, et comment dire aux gens de délaisser dunya alors que c'est permis? Et on répète, nasit son kalam, qala fatarku dunya fadila wa tarku dunub farida. Donc, on leur dit de délaisser les péchés. Pourquoi? Délaisser les péchés, c'est obligatoire. Délaisser dunya, c'est mieux. Lakin, dunya, tant que c'est pas des péchés, c'est permis. Donc, comment dire aux gens de délaisser une chose qui est recommandée, recommandée de la délaisser et de ne pas être toujours dans le dunya, alors qu'ils n'ont même pas fait l'obligation de délaisser les péchés. Jusqu'à Ouna, c'est clair. Une autre étape, et c'est la situation de beaucoup de gens, ils ne peuvent pas délaisser les péchés. Même certains péchés, ils ne peuvent pas. Il te le dit, non, je ne peux pas, je suis plus faible, Inch'Allah, fais dua pour moi. Donc, tu connais sa situation. Il est faible, il ne peut pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu le rejettes? Khassatan s'il accepte la vérité. Lakin, il te dit, je suis éprouvé. Certains musulmans, ils sont éprouvés par certains voyages, par certaines rencontres, par certains sports, certaines passions. Bardoum, maintenant, leur passion, on a du mal peut-être, nous, à se rendre compte. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. C'est les jeux vidéo. C'est une fitna. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le hajar parce qu'il a joué à un jeu vidéo. Là, s'il accepte l'haqq, il sait que c'est haram. On lui montre. Comment lui montrer? Comment lui montrer? Ibn Qayyim قال فإن صعب عليهم ترك الذنوب. Il a du mal à délaisser ce péché. فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وصفات كماله ونعود جلاله. Et on a un manquement, nous, في هذا. Essaye de leur faire aimer Allah Azza wa Jal. Maintenant, je lui dis ce voyage. On garde toujours l'exemple du voyage pour que ça reste clair. Ce voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a razaq ses enfants avec qui tu voyages. Malgré tout ça, tu fais ces voyages et tu n'as jamais fait le hajj, akhi al-karim. Et tu lui montres les bienfaits. Si tu fais le hajj, tu auras telle récompense. Et tu verras, alhamdoulilah, ce sera le meilleur voyage de ta vie. Et tu lui montres, fi hadha al-hajj, si tu lui fais aimer Allah, et tu patientes, et alhamdoulilah, tu lui envoies des doros, tu lui envoies des messages concernant, hein, tu verras que sa foi, elle va monter parce que c'est un musulman. Et le musulman, sa fitra, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ahyana, les passions, elles recouvrent ce cœur. Enfin, tu essayes d'être une cause pour nettoyer ce cœur. Et tu verras que si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala il rentre dans son cœur, ماذا, qu'est-ce qu'il se passera? قال ابن القيم رحمه الله فإن القلوب مفطورة على محبته أي محبة الله فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. Si ce muslim, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pénètre dans son cœur et sa foi elle monte. On a tous l'amour d'Allah, lakin cet amour d'Allah il augmente. On a tous cet amour d'Allah et il est croyant. Si Allah subhanahu wa ta'ala min fadli, si cet amour il augmente, Ibn al-Qayyim قال هان عليها Et ce cœur, il aura plus de facilité. Et cette personne aura plus de facilité à délaisser les péchés. Ah, Gada, on a cité ce qu'elle aime pour conclure, pour montrer à Ikhwan les priorités. La priorité, c'est quoi? C'est l'ilm. Et connaître sa aqida, connaître la voix du prophète, alayhi salatu wa sallam. Celui qui a cela, il saura comment s'adapter, comment se comporter. Tu ne parles pas avec tout le monde de la même manière. On a un khilaf entre un frère salafi, à la sunna, un autre, disons du ilm. Il a vu son frère maintenant avoir de la négligence, et son frère, il a de la fermeté. L'autre, par le ilm, il acceptera. Il sait que son frère, il veut son bien. Alhamdulillah, ils ont atteint un certain niveau. Et hiyanan, tu auras de la fermeté, etc. Est-ce que tu veux parler de la même façon à un vieux miskin muslim, ça fait 50 ans, 60 ans, il a des coutumes, il a encore du mal à faire certaines choses. Tu vas lui parler de la même manière. Obama, il a l'âge de ton grand-père. On répète sans faire de concession. Là, beaucoup, cette question, elle revient souvent. Est-ce qu'on peut faire, maintenant pour celui qui est imam ou muadzin, est-ce qu'on peut faire une bid'ah pour ne pas froisser les gens? Al-qawl sahih, là. Ils ont posé la question à Cheikh l'imam Muqbil ibn Hadi, rahmatullah alayhi, et d'autres. Al-sahih, là. On n'est pas responsable des autres à ce point. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu wa ati'ullahu wa ati'ur rasul. Wa qala Allahu azza wa jal, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah nous a ordonné de suivre ce qu'il a révélé. Amma al-bid'a, c'est pas la révélation, mais ça contredit la révélation, c'est une invention. Fa fi hadha al-hal la, fais pas de bid'a pour rassembler. Lakin, sans faire de bid'a, lakin on montre. Ya am, ya fulan, kaza, un bon comportement. Wallah, hiyanan, sans parler. Le bon comportement, c'est eux, hiyanan, qui viennent. Ils te voient calme, un bon comportement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, min fadlihi. Had al-bab, il était lié au chapitre précédent. Ces deux chapitres, c'était sur le fait de se mélanger avec les autres, patienter, avoir de la sagesse pour faire le rappel, pour propager la vérité. Fa alhamdulillah, stafadna. Et le prochain cours, ça sera le 10e chapitre sur Istihbab Ifsha Issalam. Vous avez remarqué, c'est encore lié, vu que tu as contact forcément avec des gens. Enfin, mina sunna, et parmi le bon comportement, c'est de passer Assalam. Et ça sera le thème du prochain cours. Walhamdulillah, et on passe au cours suivant, Inch'Allah ta'ala.